quatre boulets de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, ODS de pierre. Quatre boulets de cuir, mes poings contre les tiens, moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux King Marin. King Marin, c'est un grand et Dieu sait que je l'aime, mais ses gants et ses gants me pensent pas de même. ODS de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, box, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombarde le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Il esquive mon swing. King Marin, j'en ai marre de notre réunion, je vais te faire voir qui des deux est champion. Quatre boules de cuir, et soudain deux qui roulent répandre leur châtaigne dans le cri de la foule. J'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7. Enfin, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient. Et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on déband de mes mains. King Marin vient me voir. Ça ira mieux demain. De pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Box, box, comme une maison blanche.